19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce décrassage auditif, donc de 2h, entre 19h et 21h, comme toutes les semaines. Ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Des nouveautés au nombre de 3, et pas des moindres d'ailleurs. Et puis aussi un petit rappel de ce qu'il y a eu ces dernières semaines, quand même pas mal de choses assez intéressantes. Et normalement aussi vers 8h, on devrait avoir un coup de fil de la chanteuse de Madeline Case qui devrait nous raconter un petit peu l'histoire du groupe et d'autres choses, bien sûr, j'imagine. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Eh bien, on va commencer tout de suite avec justement un groupe dont on a pu découvrir un petit peu plus en profondeur la semaine dernière, le groupe Symmachia. Un groupe de métal progressif qui nous a sorti son deuxième album en 13 ans, qui s'appelle Project 11 The Landing, un concept album dédié tout à la Lune. Et pour ce soir, on va commencer avec le morceau Full Moon. Message réussi, retour sur Terre. À l'instant, donc, Sim Makia avec son album Project 11, The Landing, donc dédié à un concept album dédié à la Lune. Enfin, vous en savez un peu plus si vous avez écouté Electric Shock la semaine dernière, puisqu'on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec Mathieu, le guitariste. C'était donc Full Moon. Eh bien, on va se faire la première nouveauté de la soirée avec du culte de chez culte. Alors là, je pense que ça va parler surtout aux plus anciens d'entre nous. Car vient de sortir de façon quand même par contre très confidentielle un live de Shaking Street enregistré en 1979. Alors c'est vrai qu'à l'époque Shaking Street c'était le groupe qui faisait fantasmer tous les métalleux, car il faut dire que bon, la plastique de la chanteuse n'y était pas étrangère, d'autant plus qu'elle a quand même un charisme assez affolant. Par contre c'est vrai que musicalement quand on réécoute maintenant, même à l'époque, bah c'était banal, c'était un mélange de hard, de punk, c'était bien joué, c'était certes, et puis on peut pas dire que la voix de la chanteuse était extraordinaire, mais bon, il faut dire qu'elle avait été la petite amie de Jimmy Page, donc ça aide aussi pour le carnet d'adresses, et ça a certainement aidé aussi beaucoup à ce que Sandy Pearlman produise leur deuxième album. Et de là que le groupe parte en tournée avec Black Sabbath un peu partout dans le monde à cette époque-là. Puis il faut dire aussi qu'en France, bah le rock français à l'époque, bah il y avait quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bon, on avait quand même des groupes comme Starshooter, Bijoux, Téléphone et puis Trust qui essayaient aussi de montrer qu'on était capable de faire aussi bien. Et Shaking Street était un petit peu dans cette mouvance-là d'ailleurs. Le lien avec Téléphone n'est pas anodin non plus, puisque Jean-Louis Aubert et Bertignac, voilà, je ne trouvais plus le nom, on fait partie à un moment de la formation. Donc là, ça coïncide à un moment où le groupe était aux États-Unis et tournait dans des clubs, puisque ce concert qui vient de sortir, qui s'appelle Scarlet the Old Waldorf, August 1979, a été enregistré à ce moment-là, où le groupe commençait déjà à jouer des morceaux de son futur deuxième album, qui donc à l'époque a été quand même signé par CBS et produit par Sandy Pearlman. Voilà, je vous disais, Shaking Street qui se reforme de temps en temps. D'ailleurs, on avait eu l'occasion de les voir à Orléans à l'époque du Blue Devil, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Putain, je me souviens plus très bien, c'est quand on vieillit, c'est pas terrible tout ça. Et il faut dire que la chanteuse Fabienne était accompagnée d'une équipe de tueurs, puisque Ross the Boss, le fameux Ross the Boss, qui a fait partie de Manowar, a fait ses classes dans ce groupe mythique, et bien avant, il faisait partie des Dictators. Ça, voilà, c'est pour tous ceux qui veulent tout savoir. Et puis, on va se faire donc deux petits extraits du futur album, du futur deuxième album de Shaking Street, qui n'était pas encore enregistré à l'époque. Alors, attention, c'est un son brut d'époque, non retouché, hein, c'est clair. D'abord, Solid as a Rock. All right! Are you ready to rock and roll? Let's go from Paris, France! It's a song called Solid as Rock. We'll be right back. Soul Dealer et Solida the Rock, donc deux extraits du live de Shaking Street, Scarlett the Old Waldorf, August 1979, donc comme son nom l'indique, enregistré au célèbre club de San Francisco le 15 août de cette année 1979, attention, document. Et c'était également la première nouveauté donc de la semaine. Retour en 2024 et maintenant on va faire un petit tour en Picardie. Retrouver le deuxième album du groupe Lucide qui s'appelle L'Adversaire. Et ce soir, ils vont nous parler de rédemption. Des années à se taire. Comment que une confession pour savoir quoi faire. C'est flou, une parole ne nous rend pas ce, tout ce qui faisait se conglomérer. Partout, c'est cette image qu'on me renvoie. À genoux, et j'écouterai ce que tu me diras. Un tabou comme barrière. C'est un terrain glissant où aucun doute n'interfère. bien rock'n'roll tout ça, et eh bien c'était le EP de Riffless, Ghost is a Woman, I Won't Start the Fight, donc Riffless, groupe qui nous vient de Picardie, et ben, la Picardie c'est pas de Belgique, pardon, qu'est-ce que je raconte comme connerie, de Belgique, et de la Belgique à la Picardie, ben c'est pas très loin, puisqu'avant on avait eu donc Lucide et son deuxième album L'Adversaire, et le morceau Rédemption, voilà, voilà, voilà. On va se faire quelque chose d'un petit peu plus croustillant maintenant, si vous voulez bien. On va se faire du black metal et on va revenir à l'album de Corvus Diabolis, Elixiria Ecstasis. Et on va se faire une petite douceur qui s'appelle Cyclopean Adoration. Thank you. fin de la messe noire avec un instant Corpus Diabolis et son album Elixiria Ecstasy, c'était Cyclopean Adoration. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec une belle surprise. C'est la fierté locale, c'est les Burning Heads qui sont de retour, et oui, avec leur 17e album, je crois bien. Groupe qui existe depuis maintenant 37 ans, fondé sur les cendres de Comintern Sect en 87 et qui est donc toujours là et qui nous déroule toujours son hardcore mélangé de skate rock, toujours. Bref, on a l'impression que le temps n'a pas de prise sur eux. On aurait pu penser qu'en 2018, avec le départ de Pierre, le chanteur historique, ça allait mettre un frein à tout ça. Et en fin de compte, non, ils ont réussi à trouver un joyau de riz à peu près dans le même esprit qu'eux. Et après un album de reprise avec différents intervenants, histoire de faire patienter, on a eu Torches of Freedom. On avait passé d'ailleurs pas mal d'extraits il y a 2 ans, on nous avait rassurés sur leur bonne santé. Et ce nouvel album qui est sorti il y a 8 jours, qui s'appelle Embers of Protest, nous montre que c'était pas un coup d'essai, que Fra est bien là pour de bon, le nouveau chanteur, et que je pense que ça va le faire dans la durée. Donc cet album, on reste toujours dans la même lignée, un album de Burning Heads. On sait ce qu'on va trouver dedans, même s'il y a des choses un petit peu plus variées, à l'instar d'un morceau reggae, alors qu'on sait que ils adorent ça, mais c'est souvent dans le cadre d'albums vraiment spécifiques à tout ça. Donc je pense que les morceaux de ce nouvel album vont bien se fondre dans les setlists et ça fera très plaisir de les revoir prochainement, j'imagine. Et on va se faire donc un petit extrait tout de suite, sans plus tarder, c'est Survival Instinct. My heart. Waiting on a Twist of Fate, extrait de l'album Heaven XL de Sum 41, qui normalement devrait être donc leur ultime album, puisque le groupe a décidé donc de prendre sa retraite après cet album et une ultime tournée, qui d'ailleurs normalement devrait les envoyer faire un petit tour à Paris-Bercy, pardon, l'Accor Arena Hotel en novembre prochain, et c'est déjà archi complet. Par contre, eux, bah, leur retraite, bah, c'est pas encore pour maintenant, les Burning Heads, puisqu'ils viennent de nous sortir leur 17e album, Embers of Protest, et vous avez eu droit à Survival Instinct, donc le nouvel opus de nos hardcoreux orléanais qu'on espère voir très bientôt sur les planches. Ça va toujours, n'oubliez pas que vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et que vous écoutez bien Electric Shock comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Là maintenant, je vais vous emmener faire un tour du côté de Toulouse, mais de Toulouse, on va aller très très loin dans l'espace. Tout à l'heure, on a commencé l'émission à être dans la Lune, mais là, je pense qu'on va aller dans des dimensions beaucoup plus psychédéliques. Si vous avez écouté les dernières émissions, vous voyez un petit peu de qui je veux parler. Je parlais d'un petit coup de cœur pour ce groupe qui s'appelle Carcara, qui vient donc de sortir son troisième album, qui s'appelle All Is Dust, en mars dernier. Depuis, je dois avouer que bah, il ne quitte guère ma platine. Je l'écoute régulièrement et je prends beaucoup de plaisir à ce mélange de rock psyché. On pense à Hawking, plein de choses comme ça, bref, pour vous dire qu'on voyage très très loin avec cet album un peu conceptuel qui nous parle d'un monde complètement dystopique. Non, je ne vais pas vous raconter l'histoire comme je l'ai déjà fait il y a quelques semaines. On va se faire tout simplement le titre de l'album, All Is Dust. Fin du voyage cosmique, nous revoici revenus à Toulouse où Carcara nous racontait ce que t'es, que tout était poussière, puisque All is Dust, c'est le titre du morceau et c'était également le titre de l'album. De Toulouse, on va faire un petit tour à Marseille, diffuser un petit extrait du EP de Blooming Discord, groupe de métal alternatif, si vous voulez bien, avec le morceau The Saddest of the Playgrounds. Thank you. Blizzard avec un point d'exclamation à la place du i, j'insiste bien là-dessus. Extrait de son premier album Not Good Enough, c'était Beautiful House. Juste avant, venu de Marseille, c'était Blooming Discord qui nous présentait son premier album Memories from the Future avec The Saddest of Playgrounds. Continuons toujours dans le post-metal, punk, etc. avec Junon et son premier album Dragging Bodies to the Fall qui est sorti mi-mars. Et on va se décrasser les esgourdes avec Caught in Hypocrisy Loops. We'll be right back. to the Wire, No Cops, No Police. C'était donc un extrait de Deep in Denial, leur premier album sorti début avril, juste avant Junon et son premier album également, qui s'intitule lui Dragging Bodies to the Fall. Et c'était Caught in Hypocrisy Loops. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec un groupe culte, un groupe qui à lui tout seul aussi personnifie le heavy metal allemand. C'est le grand retour de Accept. Accept, oui, et qui est toujours là depuis... Alors, le groupe, quand on pense que le groupe s'est fondé quand même en 1976 et que leur premier album date de 1979, certes, il y a eu des périodes où le groupe n'existait plus. Et Accept, maintenant on peut dire que Wolf Hoffmann est le seul maître à bord d'origine, puisque depuis le départ de Peter Baltès en 2019, voilà. Et aussi c'est le sixième album avec le chanteur Marc Tornillo, apparu dans le groupe en 2009, c'est pour vous dire maintenant qu'il est intégré dans la formation. Ce qu'on peut dire de Accept, c'est que ça reste toujours du heavy metal carré à l'allemande, ça, il n'y a pas de souci. Et que ce nouvel album qui s'intitule Humanoid, qui est tout chaud, tout bouillant, puisqu'il est sorti vendredi, vous voyez, comme quoi, il m'a un peu laissé sur ma faim quand même, je dois avouer. Parce que je dois avouer que les deux premiers albums avec Tornillo, que ce soit Blood of the Nations et Stalingrad, m'avaient vraiment bien plu. Je trouve qu'ils avaient tout pour être des classiques. Blind Rage était légèrement en dessous. Quant à The Rise of Chaos, lui, je m'avais fortement déçu. Et j'avais trouvé quand même une très nette amélioration au précédent, Too Mean to Die. Et je m'attendais à ce qu'il soit sur cette lignée. Je suis déçu quand même. Alors, vous inquiétez pas, on a toujours notre bonne dose de riff, ses vocaux éraillés sont toujours là, enfin, la sauce Accept, c'est bien, c'est classique, c'est bien joué, et d'ailleurs Andy Snip a une fois de plus réussi l'exploit de conserver le son d'Accept tout en le modernisant. Mais je trouve que c'est un album de plus, voilà. Non, nul doute qu'en concert ça devrait le faire, mais voilà. Donc voilà, c'est un fan qui vous parle, donc je suis un petit peu sur ma faim. Enfin, ça se laisse écouter même plus que ça. Vous allez en avoir la preuve avec Diving into Sin. Et je pense que parmi vous, il y en a quelques-uns qui vont dire quand même que j'ai la dent dure. Certes, je le reconnais. Pure Metal, à l'instant, Bowser connu, Judas Priest, hein, évidemment, avec un extrait de son album Invincible Shield, c'était le morceau Devil in Disguise, et Judas Priest qui nous a délivré un concert vraiment somptueux le 8 avril dernier, et qui nous montre que le poids des ans, c'est à croire qu'ils ont fait un pacte faustien. Juste avant, la troisième nouveauté de la semaine, eux aussi nous montrent que le poids des ans n'a toujours pas pris sur eux, même si je trouve cet album moins inspiré que son précédent. C'était donc Accept avec Diving Into Sin, extrait de son nouvel album Humanoid, qui est sorti vendredi dernier. Et Accept sera en concert à la fin de l'année, je crois, à l'Élysée-Montmartre, je crois que c'est fin octobre ou début novembre, je ne sais plus très bien la date, voilà. Bon, maintenant, allons faire un petit tour pas très loin de chez nous, du côté de la Sarthe, retrouver le groupe Ronnie Run, et avec son album Baise le Monde, et si vous voulez bien, on va se faire By the Fred. frontière du Kremlin. Alors il y a l'immédiateté, mais aussi ce que nous laissons à nos enfants et petits-enfants, qui eux risquent d'en crever. Voilà le monde dans lequel on vit. Voilà le monde dans lequel on vit en attendant. Il est 20h31, ça veut dire qu'il ne reste plus que 29 minutes d'Electric Shock. Et oui, Electric Shock, c'est de 19h à 21h tous les mardis soirs entre 19h. Voilà. Entre 19h et 21h, donc 2h de métal pour un décrassage auditif garanti. Un instant, donc Persona non grata et son EP éponyme, c'était Le Déni. Et avant, Run, Ronnie, Run avec son album Baise le Monde by Fred. On va faire quelque chose de beaucoup plus différent. On va revenir sur un des coups de cœur de l'émission. C'est l'album solo de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, qui je trouve pour ma part vraiment fabuleux et qui se découvre au fur et à mesure des écoutes. Pour vous dire, depuis plus d'un mois qu'il est sorti, j'en redécouvre encore des choses. Et là, on va se faire un morceau très surprenant car on croirait vraiment que c'est une reprise de Pink Floyd. C'est le morceau qui termine l'album, c'est Sonata Immortal Beloved. King returns. the body of his frozen queen, tragic, the acolytes around her, expressions of horror. floydien pour Bruce Dickinson, donc extrait de son dernier album The Mandrake Project, le chanteur d'Iron Maiden, qui sera en concert à l'Olympia le 26 mai prochain, mais ne cherchez plus de place, c'est complet, archi-complet depuis un bon moment. On va aller faire un petit tour à Tel Aviv, retrouver le groupe Orphan Headland et son CD-DVD Heaven You May Create, enregistré en 2021 pour les 30 ans du groupe, où le groupe, accompagné d'un orchestre symphonique plus une chorale, nous délivrait une performance vraiment somptueuse qui magnifie vraiment leur répertoire. Et là, on va se faire un extrait du somptueux Maboul avec Birth of a Free. Yeah! C'était le magnifique Birds of the Free, extrait du CD-DVD Heaven You May Create, live in Tel Aviv, 30th anniversary, d'Orphan Edlen, donc pour les 30 ans du groupe. On va continuer en live avec un live sorti vraiment de façon ultra confidentielle. D'ailleurs, je remercie encore mon ami Mike de Grenoble pour m'en avoir signalé la sortie. C'est le live de Tesla, Full Throttle Live, qui contient donc 9 titres, dont un titre inédit, une version, une reprise de Aerosmith qu'on vous a passé la semaine dernière. Et dans les titres live, il y a un vrai titre inédit qui s'appelle Cold Blue Steel. Behind a smile, give him an inch and he'll Nobody Save Me by the Regretted Cinderella. C'était extrait d'un album sorti exclusivement au Japon en 1991 qui s'intitulait donc Life Train to Heartbreak Station. Juste avant Tesla, Cinderella, c'était Tesla, groupe de la même époque, avec son dernier live sorti au mois d'octobre dernier, Full Throttle Live, c'était le morceau Blue Steel. Et on a le temps de se faire un dernier petit morceau pour terminer avant de laisser passer le flambeau à Christophe et Electrochoc qui se prépare. On va se faire un petit instrumental de l'album de 51, Love Hate Adios Motherfucker. Motherfucker de 51. Voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci d'avoir suivi ce numéro de Metal une fois de plus, mais restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel, la musique continue. C'est le before pour tous les amoureux de électro et autres musiques de club. Christophe est là pour nous proposer quelque chose de spécial, enfin je suppose, enfin il va nous raconter ça. Salut Christophe. Salut, salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer aux auditeurs d'Electro Live ce soir? Une playlist ambitieuse de plus de 170 titres. Bon, je ne passerai pas tout, parce que même à 4 platines, ça va. Et ce soir, c'est Funky House. Voilà, principalement. Avec un peu de dance, un peu de house. Et tech house, entre. Mais beaucoup de Funky House. Voilà, donc la bonne musique, c'est toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Ne quittez pas, restez bien branchés. Ça continue maintenant, Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Moi, je vous dis à mardi prochain. Ciao.